بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours 2 aujourd'hui du sharh du livre يعني فتح الرب الغفور ذي الرحمة في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم على كل مسلم ومسلمة. Et aujourd'hui donc on est arrivé à l'endroit dans le livre qui s'intitule « Asluddini wa qa'idatuhu », c'est-à-dire le fondement de la religion et son principe, hein, sa règle. Et le cheikh, il explique, le cheikh explique, cheikh al-Qara'awi, il explique, il dit « Asluddini wa qa'idatuhu amran ». Donc tous ces propos-là sont tirés des paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hein, c'est un résumé de ce qu'il a écrit dans d'autres, dans différents livres, entre autres Al-Usul al-Thalatha et d'autres livres également. Donc il dit Asluddin wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la sharika lah wa at-tahridu 'ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Wath-thani الانذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Donc le fondement de la religion et sa règle principale, hein, c'est basé sur ces deux choses, et ces deux choses en réalité là sont une, hein, mais disons que c'est une chose et ce qu'elle implique, c'est-à-dire une chose et son contraire, l'affirmation du tawhid et la négation du shirk ou le rejet du shirk. Donc en réalité c'est ça le fondement de l'islam, c'est ça la base même de l'islam, et c'est ça qui est résumé par le témoignage de la ilaha illallah. Donc le cheikh il explique que c'est deux règles ou le fondement qui se divise en deux choses. La première chose, c'est le fait d'ordonner l'adoration d'Allah seul, sans associé, sans partenaire, hein, sans lui donner d'associé, sans lui donner de partenaire, et d'inciter à cela, et de s'allier sur cela, c'est-à-dire de s'allier avec les gens, et de les prendre pour alliés, et de les aimer sur ce principe-là. وَتَكْفِرُ مَنْ تَرَكَهُ, c'est-à-dire de déclarer comme étant mécréant celui qui abandonne ce pilier-là, c'est-à-dire celui qui abandonne le tawhid, celui qui abandonne la ilaha illallah, qui fait du kufr ou du shirk, yani de le considérer comme étant kafir, mécréant. Et l'autre aspect ou l'autre point, eh bien c'est le contraire de ça, d'avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah et d'être très strict sur cela, hein, très sévère là-dedans, et de prendre pour ennemi et pour de prendre en ennemi et d'avoir de l'animosité sur ce principe-là, c'est-à-dire de ne pas aimer les gens qui font le shirk et de ne pas aimer le shirk lui-même, et de déclarer ou de considérer mécréant celui qui le fait, c'est-à-dire de considérer mécréant celui qui fait le shirk, qui associe avec Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et Cheikh al-Najmi, rahimahullah, il explique ce principe-là, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. Il dit « Amran wa huma al-awwal an yakhuss al-abd al-rabba wahdahu bil-ibadati duna ayyi ahadin siwahu kainan man kan wa an yad'u al-abd إلى توحيد ربه وإلهه إن أمكنه ذلك ويحب فيه ويبغض فيه أو يبغض فيه ويوالي عليه ويعادي عليه فإن الموالاة والمعاداة من أصول هذا الدين فقد أخبر الله عن ملة عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من قومه ومن معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Donc le cheikh il explique le premier point. Et le premier point c'est de rendre l'adoration que le serviteur rende son adoration pour son Seigneur exclusive. Et qu'il l'adore lui seul, en dehors de toute autre chose qui existe. Hein? C'est-à-dire, tu n'adoreras rien d'autre que Allah, Azza wa Jal, le Créateur. Peu importe qu'est-ce que cette autre chose-là pourrait être. Hein? Et on a expliqué au dernier cours. Peu importe qu'est-ce que ça peut être, c'est-à-dire, même si c'est une statue, une idole, un arbre, un homme, un prophète, un messager, un ange, un djinn, une pierre, un astre, le soleil ou la lune, les étoiles, la mer, l'eau, hein, ou n'importe quel autre esprit ou chose qui serait adoré parmi les créatures, tout ça, yani, c'est obligatoire pour le serviteur de s'en désavouer, de ne pas l'adorer. Il doit adorer Allah seul. Le créateur de toutes ces choses, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que, également, le serviteur invite les autres à l'unicité d'Allah, à l'unicité de son Seigneur et de sa divinité, c'est-à-dire d'appeler les gens à adorer Allah de façon exclusive, eux aussi. Si cela est possible, c'est-à-dire selon la capacité et la possibilité de le faire. Et d'aimer en cela, c'est-à-dire lorsque tu aimes les gens, eh bien ton amour doit être basé sur ce principe-là. Si ceux qui respectent ce principe, tu dois les aimer pour Allah. Et de détester sur cela, c'est-à-dire ceux qui contredisent ce principe, hein, tu dois les détester pour cela. Et également, il est important de comprendre que le fait de détester les gens qui opposent le tawhid, hein, et de les détester pour Allah, ça n'implique en aucun cas le fait de leur faire de l'injustice, hein, ou de justifier l'injustice. Et également, le cheikh explique que tu dois donc les prendre pour alliés, prendre les gens pour alliés selon ce principe du tawhid, et prendre en ennemi ceux qui s'opposent au tawhid. Et donc, l'amour, d'établir l'amour et la haine ou l'animosité selon ces principes fondamentaux de la religion. Parce que ça, c'est la base de l'islam. Et Allah Azza wa Jal nous a informé à propos d'Ibrahim alayhi salam que justement c'était sa voie, c'était ça sa religion. Yani d'établir le tawhid, d'adorer Allah seul. Hein, c'est connu du prophète Abraham qu'il n'adorait personne excepté Allah et qu'il a détruit les statues et les idoles que son peuple adorait. Hein, et il a même contredit dans ça sa propre famille, son père et tous ses proches. Il s'est opposé à eux. Hein, par rapport au tawhid. Donc c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'aimer et de détester pour Allah, l'exemple d'Abraham. Et donc Allah Azza wa Jal nous a informé que Ibrahim alayhi salam, Abraham s'est désavoué de son peuple et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et il a cité un exemple à ce sujet-là dans le verset 26 et 27 dans Sourate Az-Zukhruf. Lorsque Allah Azza wa Jal dit dans ce verset ce qui signifie: et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple: je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui va me guider. Hein? Donc ça, c'est l'exemple de ce principe. Et il y a aussi, le cheikh, il aurait pu mentionner également d'autres versets à ce sujet dans le Coran, et entre autres un verset à ce sujet-là qui est encore plus détaillé et encore plus clair sur cette question de se désavouer du shirk et des gens qui le font. C'est le verset dans Sourate Al-Mumtahana, le verset 4, dans lequel Allah Azza wa Jal mentionne clairement que c'est un bel exemple à suivre. Hein? Il dit « قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. » Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie « Il y a certes une belle exemple à suivre pour vous en Abraham et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions et entre vous et nous a débuté une animosité et une haine qui ne se dissipera que lorsque vous ayez cru en Allah seul, qui va toujours exister jusqu'à ce que vous n'acceptiez de croire en Allah seul. » Et donc ça, c'est le principe, yani, de qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-wala ou al-bara. Al-wala ou al-bara, et c'est un principe qui est relié directement au tawhid. Et le deuxième point que le cheikh explique ici, on a mentionné que le fondement de la religion est divisé en deux parties. Donc le deuxième point, c'est الكفر بالطاغوت بأن ينذر ويحذر من الشرك بجميع صوره في ربوبية الله وألوهيته ومن الشرك الإلحاد من الشرك الإلحاد في أسمائه وصفاته والأصل في ذلك قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فلا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. نعم. Donc, la deuxième partie, le cheikh explique que c'est de renier le tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Les shayatines, les idoles, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et de mettre en garde et d'avertir contre le shirk sous toutes ses manifestations et sous toutes ses formes. Que ce soit le shirk dans la rububiyya, que ce soit le shirk dans al-uluhiyya, que ce soit le shirk dans al-asma wa sifat, yani, toute forme de shirk, il faut le condamner et avertir contre ces manifestations-là. Et donc, comme on sait, le tawhid se divise en trois catégories. Et il y a le tawhid dans la ruboubiyya, ruboubiyya qui vient du nom d'Allah, Ar-Rab, et Ar-Rab qui signifie le Seigneur. Et parmi les caractéristiques du Seigneur, c'est que c'est lui le seul qui a tout créé. Donc la ruboubiyya, ça implique la création, et que c'est lui seul qui est le créateur. Ça implique également que c'est lui seul qui donne la subsistance et qui pourvoit pour ses créatures. Donc, ça implique le fait que Allah Azza wa Jal, il est Ar-Razzaq, celui qui donne le risque, la subsistance, et qui pourvoit pour ses serviteurs, pour toute la création. Également, Ar-Rububiyya, ça implique également qu'il est celui qui est le seul qui fait vivre et qui fait mourir, al-muhyi wal-mumit, qu'il n'y a personne d'autre que lui qui fait ça. Et ça implique également que c'est lui qui est al-mudabbir, mudabbirul kawn, celui qui contrôle et qui gère tout ce qu'il y a dans la création. Donc, personne ne partage quoi que ce soit de ces caractéristiques-là. Ça implique également, parmi les caractéristiques de la rububiyya, que il est Al-Malik, hein, ou bien Al-Malik, ou bien Al-Malik. Yani, c'est-à-dire, c'est lui le souverain, le roi absolu et suprême, celui qui possède et le propriétaire absolu de tout ce qui existe dans la création. D'accord? Donc, Al-Mulk, Al-Tadbir, Al-Rizq, Al-Ihya wal-Imata, wal-Khalq, toutes ces caractéristiques-là font partie des caractéristiques qui sont reliées à ce qu'on appelle la Rububiyya. Et quelqu'un ne peut être considéré musulman et ne peut avoir cru en le Tawhid tant qu'il n'a pas affirmé ces caractéristiques-là comme étant exclusives à Allah. Et que Allah Azza wa Jal ne partage rien de quoi que ce soit de ces choses-là avec quiconque, hein, dans la création. Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul et unique maître qui détient tout ce qui existe. À la moindre particule qui compose cet univers, il n'y a pas une seule des particules qui compose cet univers qui puisse appartenir à quelqu'un d'autre que Allah. Parce que c'est lui le seul maître. Et il n'y a rien qui se produit dans sa création, sauf que ce soit en accord avec sa volonté. Rien ne peut aller en contradiction avec sa volonté et sa puissance. Ça, c'est la Rububiyya. Hein? Et il y a beaucoup de mushrikines et de kuffars qui font du shirk dans cet aspect-là. Hein? Entre autres, les chrétiens. Et il y en a d'autres également parmi les kuffars et les mushrikines, comme les hindous, les gens de d'autres religions idolâtres. Hein? Et des anciennes croyances, et des croyances qui existent toujours. Ils font le shirk dans cet aspect-là. Même si ça, c'est moins courant que les autres, parce que beaucoup de kuffars et de mushrikin, ils affirment la rububiyya à Allah, malgré qu'ils font du shirk dans l'adoration. Et ça, c'est justement le deuxième aspect qui est relié au tawhid. La deuxième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire que quelqu'un peut affirmer l'unicité d'Allah dans la rububiyya, mais s'il adore d'autres que Allah ou d'autres avec Allah, eh bien, il a commis du shirk encore là, parce qu'il a offert une forme quelconque d'adoration à une créature. Et ça peut être le fait d'adorer des êtres avec Allah, des créatures avec Allah, soit parce que la personne croit que ces êtres-là ont un pouvoir en dehors d'Allah, et ça c'est en contradiction avec la Rububiyya dans ce cas-là, parce que Allah c'est le seul qui a le pouvoir absolu sur toute chose. Donc si tu affirmes le pouvoir à une créature quelconque en dehors d'Allah, ça c'est considéré comme une forme de shirk dans la Rububiyya. Et il y en a d'autres qui ne croient pas qu'il y a une créature qui a un pouvoir indépendant d'Allah dans la création, mais ils disent on les adore, hein, ce qu'on adore en dehors d'Allah, on l'adore juste parce que c'est des choses qui peuvent nous aider à nous rapprocher plus d'Allah, comme ceux qui adorent des idoles qui représentent par exemple des hommes qui ont été pieux, qui ont été vertueux, qui ont fait des bonnes œuvres, hein, et qui sont morts dans beaucoup de bonnes choses. Donc les gens les ont pris comme intermédiaires et intercesseurs avec Allah. Et en faisant ça, ils ont fait du shirk dans l'adoration, et ça aussi c'est considéré comme étant de l'idolâtrie, même si la personne elle ne prie pas nécessairement à une statue ou à une idole. Hein, ou même si elle considère qu'il y a un seul Dieu créateur et maître absolu de l'univers, mais qu'elle prie à des intermédiaires et à des intercesseurs pour se rapprocher d'Allah, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les arabes de la pré-islam, qui priaient à des idoles, ils les considéraient non pas comme des maîtres créateurs, mais plutôt comme des intermédiaires et des intercesseurs pour se rapprocher d'Allah. Et ça, c'est expliqué dans plusieurs versets dans le Coran. Et donc, ça c'est le deuxième aspect du tawhid, que toutes les formes d'adoration qui soient, et c'est pas seulement les formes d'adoration qui sont physiques, même les formes d'adoration qui sont les adorations du cœur et les adorations de la langue, elles doivent toutes être vouées à Allah seul et de façon exclusive, sans intermédiaire et sans intercesseur. C'est-à-dire que Allah doit être adoré uniquement et de façon exclusive et directement, sans passer par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc on n'a pas le droit de passer par un prophète, ou passer par un homme, ou passer par une femme, ou passer par un animal, ou passer par un astre, ou une chose, ou une création quelconque. Pour se rapprocher d'Allah, il faut l'adorer et l'invoquer directement. Il y a également le shirk dans la troisième catégorie, où il y a le tawhid, la troisième catégorie de tawhid. De la même manière que quelqu'un peut faire le shirk dans l'adoration, hein, par exemple, l'amour, hein, il aime quelqu'un plus que Allah, ou quelque chose plus que Allah, ça c'est une forme d'adoration. S'il le offre à autre que Allah, ça devient du shirk. S'il a mis sa confiance sur autre que Allah, ça devient du shirk. S'il a plus la crainte d'une créature que de son créateur, ça devient du shirk. S'il met son espoir en une créature plus qu'en le créateur, ça devient du shirk. Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs exemples de shirk dans l'adoration. Et la règle, c'est que toute forme d'adoration qui est offerte à autre que Allah, eh bien, ça c'est du shirk. Maintenant, la troisième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans les noms et dans les attributs. Le tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah. C'est-à-dire qu'il faut croire que Allah c'est le seul à posséder ses noms parfaits. Hein? C'est lui qui possède les plus beaux noms et ces noms-là lui sont exclusifs. Il ne les partage avec personne de ses créatures. Et ses attributs également, c'est des attributs de perfection. Toutes ces attributs sont des attributs de perfection. C'est-à-dire, tout ce qui est mentionné dans le Coran et tout ce qui est rapporté dans la Sunna authentique, c'est des noms et des attributs d'Allah qui sont des noms et des attributs de perfection. Il n'y a rien dans ce qui est attribué à Allah dans le Coran et dans la Sunna qui est autre chose que de la perfection absolue. D'accord? Et il faut croire que ce que Allah Azza wa Jal s'est affirmé à lui-même, ainsi que ce que le messager lui a affirmé, ça c'est obligatoire pour nous de l'affirmer. Et ce qu'il a nié comme imperfection ou comme défaut ou comme faiblesse, eh bien c'est une obligation pour nous de le nier également. D'accord? Et on se limite à ça. Et on se limite à ça, c'est-à-dire qu'on ne doit pas philosopher avec les attributs d'Allah ou les noms d'Allah et commencer à essayer de les définir par notre raison ou par notre logique. Aussi, il faut savoir qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah ou qui est comparable à Allah. Il est le seul à posséder ces attributs-là. Et si on dit par exemple que Allah Azza wa Jal, il a l'ouïe, et il a la vue, hein, que ça fait partie de ses attributs, eh bien, il faut savoir, comme il le dit lui-même dans le Coran, « Laysa ka mithlihi shay'un, wa huwa sami'ul basir. » Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc, il faut être convaincu de ça, et il faut comprendre ça comme il faut. Naam. Et, yani, quand on dit qu'il est l'audient et le voyant, il voit et il entend. Même si les êtres humains, eux aussi, peuvent voir et entendre, l'ouïe et la vue des créatures ne peuvent pas être comparées à l'ouïe et à la vue du Créateur. D'accord? Et quand on dit ça, ça veut dire que l'être humain, son ouïe et sa vue, c'est faible, c'est limité. Tandis que l'ouïe et la vue du Créateur, c'est parfait, hein, sans limite, sans faiblesse, hein, et il voit tout, et il entend tout, et il sait tout, et tous ces attributs sont des attributs de perfection. Et tout ce qui est affirmé, donc le fait qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, et qu'il est au-dessus de sa création, et qu'il est séparé de sa création, hein, au-dessus de tout ce qu'il a créé, ça aussi, ça fait partie de ses attributs également. Et il n'a pas de. On n'a pas à le comparer ou à essayer de l'imaginer. D'accord? Et on ne demande pas non plus comment sont ses noms et ses attributs. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne Al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs. Et le fait de comparer Allah à sa création, ça représente une forme de shirk. Le fait de donner ou attribuer à une créature un attribut divin, ça représente une forme de shirk. Comme par exemple, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le seul à connaître l'invisible, à connaître l'avenir, à connaître le passé, à connaître le futur et tout ce qui est caché de ces choses-là. Maintenant, si quelqu'un parmi les créatures, un être humain, prétend connaître l'avenir, connaître l'invisible, eh bien ça c'est une forme de shirk dans Al-Asma wa Sifat. Parce que c'est la personne qui prétend que quelqu'un connaît l'invisible ou connaît l'avenir, eh bien c'est comme s'il s'était attribué à lui-même un attribut divin. Et donc par conséquent, il a fait du shirk avec Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre qui existent. Ou bien le fait de nier des noms et des attributs aussi. Et il y en a beaucoup de groupes et de sectes qui ont dévié à ce sujet-là, du fait qu'ils veulent nier certains des noms et certains attributs que Allah s'est attribué à lui-même, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans la sunna authentique. Et ils se basent là-dessus sur les idées qu'ils ont, ou la logique des Grecs. Ils se basent sur la philosophie pour essayer de comprendre qui est Allah et comment il est, et pour essayer de dire ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. Et c'est pour ça que parfois ils vont trouver des attributs dans le Coran et dans la Sunna, et eux ils considèrent selon leurs principes, hein, selon leur logique, que ces attributs ou ces noms-là ne sont pas appropriés à Allah. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de les nier, ou bien ils essaient de les déformer, de changer leur sens pour leur donner un sens qui est totalement différent de ce que l'attribut signifie réellement. Et en agissant ainsi, ils nient les attributs d'Allah et les noms d'Allah, et ils déforment leur sens, ils les vident de leur sens, et ça représente une forme d'athéisme en réalité. Parce que l'athéisme, c'est pas seulement de nier l'existence d'Allah, mais c'est de nier ses noms et ses attributs. Et même si tu les nies pas tous, depuis que tu en as nié un seul, ça suffit. Hein? Donc ça, c'est extrêmement grave. Donc, il faut renier le tarout et mettre en garde contre le shirk, hein, que ce soit dans la rububiyya ou dans l'adoration al-uluhiyya, ou bien dans les noms et dans les attributs al-asma wa sifat. Et le fondement à ce sujet-là, c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jal, le verset 256: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Donc il dit, il ne peut, yani le verset 256 dans sourate al-Baqara, ce verset-là signifie que quiconque a renié le tarout, c'est-à-dire le tarout, c'est-à-dire comme on l'a expliqué, et puis on va en parler de plus en plus de détails du tarout dans ce livre, parce qu'à la fin il y a justement la clarification des différentes sortes de tarout et des différentes catégories de tarout. C'est le dernier chapitre du livre. Donc quand on va y arriver, on va clarifier en détail un peu plus ce sujet. Mais le tarout, de façon générale, c'est le shaitan, c'est les idoles, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou tout ce qui accepte d'être adoré en dehors d'Allah. Et donc le croyant est obligé de s'en désavouer et de le renier, hein, de le renier, hein, le tarout. Et de se désavouer du shirk et de ceux qui font le shirk. Et les ulama, souvent, quand ils citent ce verset, c'est pour établir le principe que ce n'est pas suffisant uniquement d'affirmer la foi en Allah et en son tawhid. Il faut en plus, et même avant tout, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et renier toutes les fausses croyances et les fausses pratiques, avant même d'affirmer qu'on a la foi en l'unicité d'Allah. Puisque dans le verset, Allah a mentionné le fait de renier le tarot avant de mentionner le fait de croire en Allah. Et il mentionne que celui qui a fait ça, qui a renié le tarot et qui a cru en Allah, eh bien il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et donc, le cheikh, il explique en dernier, après, il dit que le tawhid d'une personne ne sera valide que si elle a renié le tarot et que si elle s'est désavouée du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Donc, si quelqu'un, il dit, moi, je crois au tawhid, je crois en Allah et je n'associe rien avec lui, mais en même temps, elle ne se désavoue pas de ce qui est adoré en dehors de lui, en dehors d'Allah. Et elle ne se désavoue pas non plus de ce que les gens qui adorent des idoles, de ce qu'ils font, ils ne se désavouent pas de ces idoles-là, ils ne se désavouent pas de leur idolâtrie et d'eux-mêmes. Donc c'est comme s'ils n'avaient pas renié le shirk. Hein? Il y a juste un petit détail ici dont on va parler en plus de profondeur plus loin, mais que j'aimerais clarifier quand même ici, qui est intéressant à comprendre par rapport au terme qui est mentionné dans le verset « Faman yakfur ». Et peut-être que pour certaines personnes, s'ils n'ont pas encore appris les bases de l'arabe, ça va être difficile pour eux de comprendre. Mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus simple. Le verbe qui est mentionné dans le verset « Faman yakfur », c'est un verbe en arabe qui vient de la racine, hein, qui est formée de trois lettres, le kaf, le fa et le ra. D'accord? Et ces trois lettres, elles forment le verbe kafara yakfuru. D'accord? Et kafara, c'est la troisième personne du singulier au passé. Donc, il a renié la foi, il a mécru, ou bien il a, renié, hein, il a renié ou rejeté ou mécru ou refusé de croire. Hein. Ça, c'est des significations qui sont reliées à ce verbe. Hein, kafara, yakfuru, c'est-à-dire il renie la foi, il rejette la foi, il refuse la foi. Hein, ça, c'est des synonymes. Kafara, yakfuru. D'accord. Et il y a une autre forme aussi. Et cette forme-là est différente. C'est lorsque on met une shadda sur le fa. Donc ça devient kafara. Et au présent, yukafiru. Je mettrai la photo sur photo de cet exemple-là. Je l'ai écrit. Donc je prends la photo, je vais la poster sur mon compte Twitter. Yukafiru. D'accord? Donc kafara yakfuru, ça veut dire il a renié la foi, il renie la foi ou il rejette la foi. Kaffara yukaffiru, ça veut dire il déclare quelqu'un comme étant mécréant. Hein? Il a déclaré quelqu'un comme étant mécréant. Kaffara yukaffiru, hein? Il déclare quelqu'un mécréant. Maintenant, le masdar, c'est le nom qui découle de ce verbe-là. Donc, le masdar de kafara yakfuru, c'est kufrun. Donc, c'est le kufr. On appelle le kufr la mécréance. Hein? Et donc, on dit kafara, c'est-à-dire il a fait le kufr. Il a renié la foi. Donc, le kufr, c'est le fait de rejeter ou de renier la foi. Ça, c'est le nom qui est relié à ce verbe. Et tandis que kafara, avec la shadda, yukaffiru, le masdar qui découle de cette forme du verbe, hein, qui est la forme fa'ala, eh bien, c'est takfirun. Et takfir, ça veut dire le fait de déclarer mécréant, ou de rendre quelqu'un mécréant, de le considérer mécréant. Donc, il y a une différence entre les deux. Kafara yakfuru et kafara yukaffiru. Un signifie de renier la foi, L'autre signifie de déclarer que quelqu'un renie la foi. D'accord? Et pourquoi je mentionne ça ici? Parce qu'il y a certaines personnes, ils pensent que le tarot, ils l'interprètent comme étant le dirigeant. Un dirigeant qui est injuste ou un dirigeant qui juge dans certaines choses par ce qui contredit la loi d'Allah. D'accord? Et donc, eux, ils disent, il faut donc faire le kofr bit tarot, et ils pensent que ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de faire le takfir du tarot. Et c'est-à-dire de faire le takfir du dirigeant, de déclarer le dirigeant comme étant mécréant ou comme étant kafir. Et comme on a vu dans les deux formes du verbe, la première forme qui est kafara yakfuru, qui veut dire renier la foi, et le masdar c'est kofr, ça veut dire le fait de renier. Et c'est ça qui est ordonné dans le verset. Famin yakfur bit tarot. Donc de renier le tarot. De s'en désavouer, de ne pas y croire, de ne pas croire au tarot. C'est ça qui est ordonné dans le verset. De ne pas croire au tarot. Et non pas de faire le takfir du tarot. Parce que Allah, il n'a pas dit dans le verset famin yukafir bit tarot. Il a écrit justement yakfur bit tarot avec le ba parce que il est mutaaddi bil ba. Donc c'est un verbe qui est lazim, tandis que l'autre il est mutaaddi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire il y a un verbe qui est intransitif kafara yakfuru et l'autre qui est transitif kafara yukaffiru. Donc c'est une petite nuance. Mais ça a un grand impact, une grande signification. Par exemple, le tarot, on a expliqué que c'est contrairement à ce que disent les gens du takfir et les khawarij, les takfiriyin et les jihadiyin, le tarot, c'est pas seulement applicable à un dirigeant injuste ou un dirigeant qui juge par autre que la loi d'Allah. Ça peut s'appliquer également à une idole, au shaitan, à des gens qui font du sihr, d'accord? Ça peut s'appliquer également à une personne qui se fait adorer et qui est satisfait de se faire adorer en dehors d'Allah. Ça peut aussi s'appliquer à une personne qui prétend connaître l'invisible, qui prétend connaître le raïb. Tout ça, c'est des différentes formes de tarot. Et ce qui est ordonné dans ce verset-là, c'est de renier le tarot, de ne pas croire en ces formes de tarot là, et non pas nécessairement de déclarer mécréant ces différentes formes de tarot. Par exemple, une idole, une statue, est-ce que tu dois faire le takfir d'une statue, déclarer une statue mécréante? Ça ne s'applique même pas parce que de toute façon, une statue, elle n'est pas vivante, elle n'est pas un être humain. Et donc, on ne peut pas la déclarer mécréante puisque c'est un objet. Un objet, tu ne vas pas le déclarer mécréant. Et c'est pas ça qui est mentionné dans le verset de toute façon, de déclarer mécréant une idole ou une statue. Puisque ça n'aurait aucun sens. Plutôt, c'est le fait de renier la foi en le tarot, de ne pas croire au tarot. C'est ça qui est ordonné dans le verset. Et en ce qui concerne le tarot, lorsqu'on dit que ça peut désigner un dirigeant qui est injuste ou un dirigeant qui juge par autre que ce que Allah a révélé, eh bien, les ulama ont clarifié à ce sujet-là que le fait de parler de cette catégorie de dirigeants injustes ou qui ne juge pas par la loi d'Allah dans toute chose, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est mécréant. Et ça, c'est une chose importante aussi parce que les ulama de l'islam, les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont clarifié que le fait de juger par autre que la loi d'Allah, ce n'est pas obligatoirement une forme de mécréance qui est une forme de mécréance majeure. Il y a aussi des formes de mécréance qui sont des formes de mécréance mineures, des formes de kofr qui sont asrar. Et par conséquent, celui qui, par exemple, ne juge pas par la loi d'Allah, tout en reconnaissant l'obligation de le faire, hein, eh bien celui-là, il n'est pas considéré comme étant mécréant dans l'islam. Et c'est pas seulement le dirigeant qui a l'obligation de juger par la loi d'Allah, mais c'est tous les musulmans dans leur vie de tous les jours ont ce devoir et cette obligation de juger dans leur vie et dans leurs affaires selon le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah. Et par conséquent, si dans une affaire quelconque, un musulman, au lieu de juger par la loi d'Allah, a jugé selon sa passion, les ulama ont dit dans ce cas-là, s'il juge selon sa passion, tout en reconnaissant que ce qu'il a fait est interdit, alors dans ce cas-là, c'est une forme de shirk, une forme de kufr mineur qui ne le fait pas sortir de l'islam. D'accord? Donc, c'est important ici d'expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, parmi les takfiriyin et les khawarij, qui pensent être en train d'appeler au tawhid, mais lorsqu'ils parlent du tawhid, ils ne parlent que de déclarer mécréants les dirigeants musulmans qui font des péchés ou qui jugent par une loi autre que la loi de l'islam dans certaines questions, et par conséquent, ils vont considérer que ça, c'est du kufr majeur qui les fait sortir de l'islam, et ils disent, ça ne sert à rien d'avoir appris quoi que ce soit de l'islam tant qu'on n'a pas déclaré mécréants les dirigeants. Et ils se concentrent que là-dessus. Et si vous voyez des gens qui ont cette attitude ou qui ont cette approche et qui appellent uniquement à déclarer mécréants les dirigeants musulmans et qui pensent que la religion s'est basée là-dessus, sachez que ces gens-là font partie de la secte des Khawarij extrémistes et que ces gens-là sont yani, égarés et qu'ils sont très dangereux. Et que ces gens-là, il faut s'écarter d'eux et mettre en garde contre eux. Que ce soit un individu, un homme ou une femme, ou que ce soit des jeunes ou des vieux, ou que ce soit une mosquée dans laquelle les gens prêchent cette idéologie-là, ou bien des groupes d'individus qui se tiennent ensemble et qui ont ces idéologies, il est très important de s'écarter de ces gens-là, de ne pas les fréquenter, de ne pas les écouter, même de ne pas leur donner le salam, hein, parce que c'est des gens très, très dangereux en même temps aussi. Ils ont les mêmes idéologies que Daesh et que les Al-Qaïda et les autres groupes de Khawarij qui existent à notre époque, ou bien Boko Haram et d'autres tendances semblables. D'accord? Donc si vous pensez que vous avez des gens que vous rencontrez qui vous parlent que des dirigeants et de les déclarer mécréants et qu'ils pensent que c'est ça le tawhid, sachez que ces gens-là, non, ils sont des gens de bid'ah, c'est des gens d'égarement. D'accord? Faites attention à ces gens-là. Et c'est pour ça que je vous ai mentionné ça maintenant. Donc, je vais vous partager ce point-là. Naam. Taïb. Donc, le deuxième point qui est mentionné dans le chapitre suivant, parce qu'on a terminé le chapitre précédent. Donc le prochain point, c'est un chapitre qui s'intitule « Shurutu la ilaha illallah », c'est-à-dire les conditions de la ilaha illallah. Donc on sait que la ilaha illallah, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. D'accord? Et les ulama se sont, ont clarifié que cette parole ou ce témoignage de la foi, c'est ce qui fait rentrer quelqu'un en islam. D'accord? C'est ce qui fait rentrer quelqu'un en islam. Et c'est considéré comme la clé du paradis. Les ulama ont parlé de la ilaha illallah en disant que c'était la clé du paradis. Puisque personne ne peut rentrer au paradis sans le tawhid, sans la ilaha illallah. Et que tous les prophètes que Allah a envoyés à l'humanité, ils ont tous enseigné à leur peuple « La ilaha illallah » que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il y en a même Adam, le premier homme, c'était ça sa religion aussi, d'adorer Allah. Il adorait seulement Allah. Adam hein, et sa femme, Hawa, Ève, ils n'adoraient personne que sauf Allah, le Créateur. Ils n'adoraient pas Jésus, ils n'adoraient pas des idoles, ils n'adoraient pas Vishnu, ils n'adoraient pas Rama, ils n'adoraient pas Krishna, ils n'adoraient pas Osiris ou Osis, où ils n'adoraient pas Marie, ils n'adoraient pas des saints, ils n'adoraient pas Zeus, ou bien Jupiter, ou bien Neptune, ou bien yani, peu importe quelle autre idole ou divinité qui existe, hein, que les gens ont inventé, ils n'adoraient que Allah, le créateur de l'univers, c'est tout. Ils ne priaient pas à une statue, ils ne priaient pas à une image, ils ne priaient pas à une idole. Le premier homme sur terre que Allah a créé, hein, il n'adorait que son créateur Allah, sans intermédiaire, sans intercesseur. C'est ça la religion de l'origine de l'être humain, c'est le tawhid. D'accord? Et toutes les religions qui sont apparues après dans l'humanité, eh bien, en fait, elles ont dévié de cette religion de l'origine qui est l'unicité, le pur monothéisme islamique. Contrairement à ce que certains anthropologues imaginent, parce qu'ils interprètent les choses qu'ils trouvent, des petites statuettes ou des trucs comme ça, ils trouvent ça, puis ils disent « Ah, ça veut dire les gens, ils avaient ils adoraient ça, et des choses de ce genre. » Eh bien, en réalité, ça, c'est... Il y en a des choses qui sont apparues après, hein, bien longtemps après, il y en a que les hommes aient dévié de leur religion d'origine qui était l'unicité d'Allah. Ensuite est venu le prophète Noé, le messager d'Allah, Noé. Et c'est lui le premier messager, hein, qui est venu pour justement combattre les premières manifestations de shirk qui étaient apparues. Et les premières manifestations de shirk qui sont apparues, c'est justement à cause de certains hommes que les gens avaient pris comme modèle et comme exemple dans le bien, hein, parce qu'ils les avaient trouvés pieux. Donc le shaitan, le diable, les a séduits et égarés en leur faisant croire que en faisant les statues de ces hommes-là, que les gens allaient se rappeler d'eux et essayer de les imiter dans le bien. Or, après quelques générations, les gens ont commencé à oublier et ils se sont mis à les adorer ou à les invoquer comme intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et c'est là que Nuh alayhi salam est venu pour les rappeler à revenir à la pureté du message d'origine de l'islam, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. D'accord? Et à chaque fois que les gens se sont écartés du message du tawhid dans l'histoire de l'humanité, Allah Azza wa Jal a fait venir des messagers et des prophètes à tous les peuples pour les faire revenir au message de tawhid, de la ilaha illallah. Et donc, les ulama ont expliqué que le témoignage de la ilaha illallah, c'est vrai que c'est la clé du paradis, mais la clé pour qu'elle fonctionne, hein, pour qu'une clé fonctionne, hein, dans une porte, dans une serrure, il faut qu'elle ait les bonnes dents, comme on dit. Hein. Parce que si elle n'a pas les bonnes dents, eh bien, la serrure ne va pas s'ouvrir. Et donc, c'est pour ça que les ulama ils disent que la ilaha illallah, elle a des conditions. Et c'est les conditions de la ilaha illallah, ça représente les dents de la clé du paradis. Donc, qu'est-ce que sont ces conditions-là? Que sont ces conditions? Il y en a sept. Et donc, le cheikh, il les a énumérées ici. Il dit « Al-awwal al-ilm bima'naha nafyan wa ithbatan ». Donc la première condition, c'est la connaissance. Le fait d'avoir la connaissance de qu'est-ce que ce témoignage de la ilaha illallah signifie. Et qu'est-ce qu'il affirme et qu'est-ce qu'il nie. Donc ça, c'est important. Si quelqu'un ne connaît pas la signification de la ilaha illallah, hein, tu vois quelqu'un dans la rue et tu lui dis « Peux-tu répéter une phrase pour moi, s'il te plaît? » Hein? Et cette personne-là, elle n'est pas arabe, et qu'on ne comprend pas l'arabe, et tu lui fais répéter, dis « La ilaha illallah ». Et tu lui dis pas ce que ça signifie, et tu lui expliques rien. Tu lui fais juste répéter « La ilaha illallah ». Et puis après, tu lui dis « Tu peux t'en aller ». Est-ce que cette personne, elle est devenue musulmane parce qu'elle a répété cette phrase? Bien sûr que non. parce qu'elle a répété une phrase comme on fait répéter ça à un perroquet, mais elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a dit, elle ne sait même pas qu'est-ce que ça signifie, et elle ne sait même pas qu'est-ce que ça implique, elle ne sait pas qu'est-ce que ça affirme, elle ne sait pas qu'est-ce que ça nie. Donc ça veut dire que c'est comme si elle ne l'avait pas dit du tout. Hein? Parce que pour que le témoignage de la ilaha illallah ait une valeur, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie. Le deuxième, la deuxième condition de la ilaha illallah, c'est al-yaqin. Et le cheikh, il explique, il dit « Wa huwa kamalu l'ilmi biha wal-munafi l'ishakki wal-raib ». Donc il faut avoir la conviction. Ça là, c'est la deuxième condition de la ilaha illallah. Il faut être convaincu. Et ça, ça implique d'avoir une connaissance complète de ce que ça signifie, de manière à ce qu'on n'ait plus de doute en sa signification. C'est-à-dire que tu aies la conviction que seul Allah mérite d'être adoré et qu'il n'y a rien en dehors de lui qui mérite l'adoration. Et que c'est lui seul le seul maître et le seul créateur. Et que c'est à lui seul qu'appartient les plus beaux noms et la perfection. Donc en fait, c'est d'avoir la conviction en ce que signifie le tawhid, l'unicité d'Allah. Hein? Et en, donc c'est ça que ça signifie la deuxième condition, al-yaqin. La deuxième condition de la ilaha illallah, c'est la conviction. La troisième condition, al-ikhlas. Al-ikhlas, al-munafi, le shirk. Donc, al-ikhlas, ça veut dire quoi? Ça veut dire la pureté. La pureté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de purifier toute ta croyance et tes pratiques de tout ce qui est shirk. Donc, c'est ça la pureté. Le fait de purifier ta foi et de purifier ton cœur et tes actions de tout ce qui est yani de shirk. Donc ça veut dire que tu vas, tout ce que tu le fais pour Allah seul. Toute adoration, c'est pour Allah seul. Et yani, tu ne vas pas le faire pour autre que Allah. Et tu ne vas pas offrir une forme d'adoration à autre que Allah. Et tu ne vas pas non plus faire des actions pour te faire voir ou pour avoir des glorifications des gens et ainsi de suite. La quatrième condition de la ilaha illallah, c'est as-sidqu. As-sidqu. Al-munafi lil-kadhib. Al-sidq, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'être honnête, d'être véridique. Donc, quand tu vas dire la ilaha illallah, tu le dis pas seulement pour, par exemple, pour te faire accepter ou bien parce que tu veux faire partie d'une famille, hein, tu veux te faire accepter par la famille, tu veux te faire accepter par une société, et tu veux faire partie du groupe. Hein. Comme certains, par exemple, qui ont vu, par exemple, leurs amis se convertir à l'islam, puis ils ont vu que tous leurs amis sont devenus musulmans. Alors ils disent, ben là, dans ce cas-ci, eux, ils deviennent tous musulmans, puis moi, je suis pas musulman, je vais être tout seul. Donc, je vais pas être avec eux, donc je vais être isolé, je vais être rejeté. Donc, il devient musulman lui aussi, mais pas parce qu'il croit en l'islam vraiment dans son cœur. Il n'est pas sincère. Il le dit juste pour faire partie du groupe, juste pour ne pas se faire mettre de côté, comme on dit. Donc, cette personne-là, elle n'a pas as-sidq, elle n'a pas la véracité. Hein? Donc, il ne faut pas mentir quand tu dis « La ilaha illallah », il faut vraiment y croire. Hein? Il faut l'accepter parce que tu y crois, tu le prononces parce que tu y crois réellement et avec véracité. Peut-être quelqu'un il va dire, bon, moi je veux marier une femme musulmane et pour pouvoir l'épouser, si je suis pas musulman, je vais pas être accepté. Alors je dois dire la ilaha illallah pour être musulman, pour que je puisse marier cette femme. Mais en réalité, je crois pas en l'islam. Donc si la personne elle dit ça, et qu'elle dit la ilaha illallah, nous en apparence, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, mais en toute apparence, on va dire, il est musulman, tant que ce qu'il fait est en accord avec l'islam et qu'il fait ses obligations, mais dans son cœur, il est un hypocrite. Hein? Donc, c'est un munafiq, il n'est pas véridique, il n'est pas sincère. La cinquième condition de la ilaha illallah, c'est al-mahabba. Al-mahabbatu li hadhihi al-kalima. Wa lima dallat alayhi wa sururu bidhalik. Donc, la cinquième condition, c'est d'avoir de l'amour pour cette parole de la ilaha illallah et pour ce qu'elle implique. Et d'être heureux de ce que cette parole implique. Donc, si quelqu'un, par exemple, il dit la ilaha illallah, mais il n'aime pas ça. C'est-à-dire, il dit, ah, mais pourquoi on rejette les idoles des autres? Pourquoi on rejette les divinités des autres? Pourquoi on rejette les religions des autres? Chacun, il a le droit à sa propre croyance. Chacun, il peut avoir sa propre vérité. Hein? Moi, je suis pas contre les bouddhistes ou les hindous qui adorent Vishnu ou Krishna ou Vishnu ou les chrétiens qui prient à Jésus, qui prient à des croix, à des statues, à des idoles, qui adorent le pape, qui adorent les saints, qui adorent Marie, qui prient à des images, des icônes, qui adorent de l'eau bénite ou qui se mettent à genoux devant le prêtre. Et moi, je les respecte. Et j'accepte tout ce que ces gens-là font. Et j'accepte aussi que les Juifs, par exemple, renient le Coran, et renient Jésus, et renient l'Évangile, et renient le Coran et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça ne me dérange pas. Chacun, il est libre. Ça veut dire qu'il n'aime pas la ilaha illallah. Hein? Il n'a pas d'amour pour la ilaha illallah. Alors, dans ce cas-là, son témoignage, la ilaha illallah, il n'est pas véridique, il n'est pas sincère. Et s'il aimait la ilaha illallah, il serait content de savoir que cette religion, elle affirme l'unicité d'Allah et que c'est seul Allah qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est faux et c'est rejeté. Et il est content de ça. Et il se réjouit de ça parce qu'il a trouvé la religion de l'unicité et du tawhid, la religion d'Abraham, la religion de Jacob et d'Isaac, la religion de Nuh alayhi salam et de Moussa et de Isa et de tous les prophètes, hein, et le dernier d'entre eux qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc tous ces messagers-là, tous ces prophètes, c'était ça leur religion, c'était la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et c'est important aussi de bien connaître la traduction exacte et la signification exacte de la ilaha illallah, parce que ça, c'est la première condition, comme on a dit. Et là, on est rendu à la cinquième. On a expliqué la cinquième qui est l'amour. Mais la signification de la ilaha illallah, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne vas pas le traduire comme il faut. Et il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, même parmi des gens qui se disent prêcheurs, hein, ou qui prétendent appeler à l'islam, et quand ils traduisent ça, ils disent « il n'est de Dieu que Dieu » ou « il n'y a pas de Dieu excepté Dieu » ou « il n'y a pas de Dieu excepté Allah ». Et ça ne veut rien dire, franchement. Ça ne veut rien dire du tout. Et va voir un juif ou un chrétien, dis-lui. Hein, est-ce que tu as quelque chose contre le fait de dire il n'est de Dieu que Dieu ? Il va dire non, c'est vrai, il y a pas de Dieu sauf Dieu, ça c'est tout le monde sait ça. Est-ce qu'il y a de Dieu sauf Dieu? Est-ce qu'il y a de Dieu sauf Allah? Non, il y a pas de Dieu sauf Allah parce que Allah c'est le seul créateur. D'accord. Sauf que le chrétien il va dire ça, il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, il y a un Dieu unique. Mais quand il prie à Jésus, il prie à Marie, il prie à des statues, il prie à des croix. Il va mettre des croix dans son cou. Il pense que la croix, ça va le protéger. Il pense que la croix, ça va le sauver quand il est malade. Ou quand il est possédé, il va prendre la croix pour faire de l'exorcisme avec. Est-ce que ça, c'est en accord avec la ilaha illallah? Non. Parce que la ilaha illallah, ça ne veut pas dire seulement qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il n'est de Dieu que Allah. Ça veut dire, avant tout, yani que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Va dire ça à un chrétien maintenant. Hein? Va dire ça à un chrétien que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est-à-dire même tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, ça ne mérite pas d'être adoré. Jésus, Marie, les saints, les idoles, les statues, les croix, tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. La vraie signification. Ah, là, maintenant, ça change tout. Là, ça devient clair, maintenant. Là, on comprend maintenant pourquoi les mouchriquins, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils disaient qu'ils croyaient en Allah et que c'était lui le créateur, pourquoi ils ont préféré faire la guerre au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que de dire cette parole, parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs idoles. Alors que quand tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne veulent pas dire il n'est de Dieu que Dieu? Ils le disent, il n'est de Dieu que Dieu. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Donc ils sont d'accord avec ça. Mais c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est qu'ils veulent continuer à adorer des idoles, et à établir le culte des idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah et qu'ils adorent pour se rapprocher d'Allah. Eh ben, c'est ça le shirk que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre. Ce shirk-là et toutes les autres formes de shirk et d'idolâtrie. Donc c'est très important de bien comprendre le tawhid, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas étudié le tawhid et ils ne connaissent pas la signification de la ilaha illallah. Allah al-musta'an. La sixième condition, al-inqiyad li huquqiha. Al-inqiyad li huquqiha wa hiya al-a'mal al-wajiba. وإخلاصا لله وطلبا لمرضاته وطلبا لمرضاته. Donc ça, c'est la sixième condition, c'est-à-dire de se soumettre au droit de la ilaha illallah, d'être soumis et obéissant à ce que cette parole a comme implication et comme droit. Parce que il y a la parole de la ilaha illallah qui est le tawhid, le fait d'adorer Allah seul et de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et autour de cette parole, il y a des obligations qui sont établies et des droits à cette parole, comme les piliers de l'islam par exemple. Parce que la ilaha illallah, c'est le premier pilier. Mais après, il y a aussi l'établissement de la salat, le fait de donner la zakat, le fait de faire le jeûne du ramadan, de faire le hajj, d'établir ce qui est halal comme étant halal, et de considérer ce qui est haram comme étant haram, et de respecter les ordres d'Allah. Toutes ces choses-là font partie des obligations qui découlent des droits de la ilaha illallah, qui sont des droits de la ilaha illallah. Et donc, il est un devoir pour les musulmans de mettre ces obligations-là en pratique et de se soumettre au devoir avec sincérité et pureté pour Allah et en cherchant l'agrément d'Allah. Donc ça, c'est la sixième condition. Et la dernière condition, c'est al-qaboul. Al-sabi, yani al-qaboul, al-munafi lirrad. C'est-à-dire que tu dois accepter ce que la ilaha illallah implique et rejeter, tout ce qui, c'est-à-dire tu dois accepter le la ilaha illallah et tu ne dois rien rejeter de la ilaha illallah. Tu dois rejeter ce qui est contraire à la ilaha illallah, mais dans tout ce qui fait partie de l'islam et tout ce qui vient d'Allah, tu dois l'accepter en entier. Tu dois accepter le tawhid, et tu dois accepter tout ce qui est révélé dans la révélation et tout ce qui vient d'Allah. Et tous ces piliers sont expliqués en détail maintenant avec les explications de Sheikh An-Najmi. Donc là, qu'est-ce que je vous ai donné? C'est seulement les définitions des... c'est-à-dire les sept conditions, la connaissance, la conviction, la pureté, la véracité ou la sincérité, l'amour, la soumission et l'acceptation. Ça, c'est les sept conditions. En arabe, on dit al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabba, al-inqiyad, al-qaboul. Donc, je vais les répéter encore. Al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabba, al-inqiyad, al-qaboul. Donc ça, c'est les sept. Et je les traduis encore une fois, la connaissance, la conviction, la pureté, la sincérité, ou la véracité, la cinquième, al-mahabba, la sixième, al-inqiyad, donc la cinquième, c'est al-mahabba, c'est l'amour, la sixième, al-inqiyad, c'est la soumission ou l'obéissance, et la septième, c'est al-qaboul, l'acceptation. Donc ça, c'est les sept. Maintenant, il y a l'explication. Moi, je vous ai expliqué seulement la définition de ces termes, hein, et qu'est-ce que ça implique. Mais là, il y a plus de détails qui sont donnés avec des versets, des hadiths et des petites clarifications de ces conditions-là. Donc ça, c'est dans ce qui va suivre avec l'explication que le cheikh va donner là-dessus. On va faire ça la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته